Cargo Cult, et en tenue de soirée, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, c'est bien Cargo Cult. Et oui, bonjour, bonjour, c'est tenue de soirée parce que le disque l'impose. Tenue de soirée, cuir ou latex. Quelque chose d'intermédiaire, peut-être même pas encore très bien défini, et tant mieux. Je suis très content parce que le Cargo Cult du jour, qui est dédié à Gina X Performance, tout le monde dit Gina X, est peut-être pour la première fois consacré à un vrai disque de club culture, quoi. Et donc complètement hors des champs pop, complètement hors d'un champ même rock ou d'une citation lointaine rock, pop ou funk ou que sais-je. Clubbing pour le clubbing, et on le sait, la club culture, elle repose pas sur des albums. Hein. Ça repose sur des singles, ça repose sur des extended play, des 12 inches, des maxi, et ça suffit à soi-même, hein, avec... une palanquée de morceaux absolument sublimes produits depuis l'ère disco, voire l'ère proto-disco, et jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, dégager des albums de ce bouillonnement-là, parce que c'est un bouillonnement culturel absolument intense, c'est jamais facile. Et la plupart du temps, on l'a même vérifié dans cette émission, quand on parle d'un album techno, par exemple, c'est souvent une compilation de morceaux qui ont existé auparavant. Là où la pop et le rock, eux, nous ont habitués depuis la fin des années 60 à sortir des concepts albums et puis de là à décliner des 45 tours. Mais le marché n'est pas du tout le même, l'adressage n'est pas du tout le même et le comportement n'est pas du tout le même. Parce que quand on danse, eh ben, c'est pas pareil que quand on est assis près du feu à écouter, David Bowie en rêvant de Mars, par exemple. Alors, je vais revenir à mon sujet, enfin, même pas y revenir, y aller. Gina X Performance. Une gloire éternelle et en même temps une inconnue, c'est assez génial d'ailleurs, parce que on est totalement entre dans la définition pure d'un disque culte. Disque qui n'arrête pas d'être culté et redécouvert par des générations, et en même temps jamais ce disque a explosé. Et j'ai peur qu'il ne le fasse jamais, mais néanmoins il aura son oracule pour la vie, et oracule qui commence à sa conception, à sa sortie en 1978. On est dans une histoire de club culture allemande, mais qui va envahir le monde. Et une proto-club culture froide, transgenre, ultra distinguée, et osons-le même cérébrale. L'Allemagne, 1978. La musique de synthèse arrive et diable, elle est là. En 1978, on est pile poil un an après un des chocs les plus colossaux de toute l'histoire de la musique, c'est... le Donna Summer, I Feel Love, Donna Summer plus le producteur Giorgio Moroder, I Feel Love, morceau éternel, morceau qui s'éternise, morceau qui remodèle à lui tout seul les standards de la musique complète. Et alors, bien sûr, de facto, la club culture. C'est peut-être là, tout d'un coup, boum, la club culture, ça va devenir un truc vraiment gros, pas un truc qu'on peut pas ignorer, un truc qui peut plus être que du ghetto. Et l'Allemagne, elle va s'y coller, et pas seulement grâce à Giorgio Moroder, vont se bousculer, j'oserais dire, plusieurs producteurs et plusieurs incarnations absolument géniales. Gina X Performance est absolument de celle-là. Alors c'est quoi Gina X Performance? C'est l'association d'une chanteuse, la DJ Gina X. Gina X, c'est pas une chanteuse, hein. c'est une clubbeuse, c'est une elle organise des concerts, c'est une icône fashion de Cologne, parce que tout se passe à Cologne. On n'est pas à Berlin, on n'est pas à Hambourg, on est à Cologne. Bon, Cologne, c'est loin d'être un bled, hein, quand même. Et puis c'est une ville très très très culturelle, très cultivée, très traversée d'influence en Allemagne, peut-être plus que certaines autres. Donc ça se passe là, toute fin des années 70, et Gina X, elle est associée à un producteur absolument génial, Zeus Beeld. Zeus, alors c'est son vrai prénom. Hein. Ça s'écrit pas tout à fait comme le dieu de l'Olympe, mais on n'est pas loin quoi quand même. Z-E-U-S. Zeus Beeld. Et c'est sur Zeus Behel que repose absolument tout le travail de ça. Hein. Et cette musique disco, proto, new wave, ultra club repose en fait la plupart du temps sur un producteur, hein, sur les épaules d'un gars qui est un producteur mixeur aguerri et qui est en général extrêmement doué dans les claviers et les synthés. C'est exactement le cas de Zeus Behel. Zeus Behel, il est connu déjà. Voilà, il est connu, mais il n'est pas du tout dans le camp où il va tomber là. C'est quelqu'un qui s'est fait repérer avec un groupe progressif allemand des années 70. J'ose pas même dire krautrock, parce que le krautrock, lui, finalement, il est auréolé d'avancées comme ça, assez fortes, et voire expérimentales, qui vont irriguer les années suivantes. Mais le rock progressif, c'est un truc qui survivra pas aux années 80, quoi. Parce que c'est un peu lourd, parce que c'est un peu démonstratif. Et le groupe de Zeus Behel, il est complètement dans ce style-là. Donc c'est le groupe Birth Control. Au demeurant, c'est un groupe qui existe encore, hein, et qui a survécu à pas mal de crises. Par contre, Zeus Behel a quitté le groupe, mais non sans avoir fait pas mal de boulot avec eux. Ils ont dû faire 6 albums ensemble, ce qui est énorme, quoi. Et le grand coup, Zeus Behel, alors il en fera même un en France, il faut le dire, parce que ça m'avait complètement fasciné gamin. Il va produire, en tout cas sur un temps assez court, il va produire pour un groupe français, là aussi qui est culte, hein. Ringard est génial à la fois, mais avec plus de ringard que de génie quand même, c'est un groupe qui s'appelait les Rockettes. Alors les Rockettes, je vous le fais en deux mots, c'est un groupe de 5 gars, ils étaient totalement peinturlurés en argent et le crâne entièrement chauve. Ça m'a marqué, pour tout vous dire, j'en dis pas plus, mais c'est, ça marque à jamais. Et ce groupe s'était finalement illustré avec une cover de On the Road Again, fameux tube de Can't Hit, et repris à la sauce Space Disco de 1978. C'était un tube, hein, c'était un tube et aussi de discothèque, mais bon, ça n'a pas fait le culte de ce que va être ce dont je parle aujourd'hui, le Gen X Performance. Alors soyons francs, on parle d'un album, mais on ne va pas échapper à la règle d'un titre complètement tutélaire. Il y a sur cet album, il y a un titre, mais ultra majeur. NoGDM, acronyme, que j'expliquerai tout à l'heure. Et il y en a même eu un deuxième titre, Nice Mover, c'est d'ailleurs l'album, le titre éponyme, puisque c'est ainsi que s'appelle le disque. Et voilà, et ces deux morceaux-là, ils ouvrent le disque. De facto, ils imposent un son, une signature époustouflante. Mais époustouflante dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait un autre disque de 1978 qui incarne autant un son tel qu'on peut encore l'exprimer aujourd'hui. Je pense, et là je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les fans, que même les disques de Kraftwerk signés à ce moment-là, et pardon, qui sont quand même au top de leur forme à ce moment-là, même les disques de Kraftwerk sont plus datés que cette association miraculeuse par Gina Kikoin, c'est ainsi qu'elle s'appelle, Zeus Behel, et cet extraordinaire coup d'essai qu'est le Gina X Performance Nice Mover qu'on va découvrir aujourd'hui. Voilà, et je passe mes mots. Et pour le peu, ce coup d'essai, qui est le premier, il va continuer. Il va y avoir 4 albums. Et je vais être franc avec vous, ils sont inégaux. Et soyons francs, c'est aussi le premier qui concentre finalement les meilleures choses. Ce qui ne veut pas dire que le reste n'ait pas été bien, mais j'en parlerai dans une deuxième partie d'émission. Alors on va tout de suite, tout de go, dans ce qui va un petit peu faire le culte, le mythe de ça. Et peut-être un petit peu se mettre dans le contexte. Voilà. Tout se passe l'été 1978. Où le groupe, alors on va dire le duo, profite même d'une accalmie, si vous voulez, automnale, enfin pas automnale, l'été, donc cette saison, voilà, pour travailler assez longtemps dans un studio à Cologne. Le Sound Experience Studio. Zeus Behel, il est bien équipé déjà en matériel. Je crois qu'il y a à peu près tous les bons claviers qu'on peut trouver à l'époque, du style le Honor Clavenet, un Orgamond, un Fender Road. On rentre dans la synthèse pure et dure avec un mini Moog et son grand frère, le Polymoog. L'ARP synthétiseur 2006, c'est du matos qui commence à être assigné particulièrement ce son-là. Un séquenceur ARP aussi. Et peut-être le plus important de tous, parce que c'est un truc qui va laisser une signature incroyable, et grâce à Kraftwerk notamment, c'est le vocodeur Sennheiser VSM-201. Ouais, c'est la minute geek de l'émission. Hein. je charge. Et ce vocodeur de chez Laser, VSM201, ça fait le son de travers. Et attention, il n'y en a pas beaucoup de fait. Hein. C'est quelques studios Slough, on est quand même dans des instruments assez légendaires, quasiment peu industrialisés et vendus uniquement aux grands studios. On le sait, la musique de synthèse est chère à ce moment-là. Elle va se démocratiser plutôt vite, mais elle est encore chère en 78. Et donc voilà que va se faire ce disque complètement miraculeux et sortir. Ces titres, et surtout ce titre, le No JDM, qui va... On peut pas dire qu'il va défriser la planète. Ça va pas être l'effet de I Feel Love de Giorgio Moroder. On peut pas égaler ça. On n'y arrivera jamais à peut-être refaire quelque chose d'aussi intense et puis durablement marquant. Mais vraiment très très très très peu loin derrière, No JDM va finalement suggérer des choses beaucoup plus... subtil, étonnante que ça. Alors ne serait-ce que des clins d'œil ultra évidents à l'homosexualité, au transgenre, c'est dit dès le début, hein. Nice Mover, voilà, la Gina, elle chante « I'm your transformer, call me Marlene, call me Gino, that's me, you know ». Première parole. Si jamais rien n'est démonstratif, tout est dans le clin d'œil et les références absolument culturelles. No JDM, qui mérite presque un essai pour être décodé à lui tout seul, est en fait une référence directe à Quentin Crisp, hein, je le cite, Quentin Crisp qui était un humoriste, un acteur absolument acerbe, une personnalité gay, clairement gay, et donc qui l'a revendiqué dans une autobiographie qui est devenue célèbre. Un tantinet scandaleuse. Et ce qui est intéressant, c'est Quentin Crisp, c'est quelqu'un qui est décédé en 1999 maintenant, mais son autobiographie, elle épate et elle ennuie pratiquement tout le monde au milieu des années 70, et c'est ça qui m'a inspiré Jenna X pour ses paroles. Parce que, certes, c'est un ouvrage militant, mais c'est aussi un ouvrage pied de nez qui finalement s'aborde la contre-culture gay qui est en train de se faire aux alentours. C'est aussi quelqu'un qui va pratiquement frapper dans son propre camp par pur second degré finalement et dans un aspect provo que renierait pas John Waters ou d'autres, quoi. Voilà, dans le même temps, c'est quelqu'un qui a ses têtes de turc. Il adore dégommer Princesse Diana, enfin ça là, même si ça fait un petit peu plus tard, ça, la Princesse Diana. Mais voilà, ça vous campe un petit peu le personnage. No JDM réfère directement à un Great Dark Man dont Quentin Crisp tombe amoureux, en tout cas, est fou de désir. Et comme l'autobiographie, elle est plutôt crue, hein, raconte comment à 16 ans, donc pas même majeur, il était escort boy, donc prostitué, hein, pardon, c'est appelons un chat, ça gêne un petit peu les consciences anglaises, et il n'hésite pas effectivement à parler de ses fantasmes, notamment voilà, d'un grand homme comme ça, Dark, Great Dark Man, qui suit, qui désire, qui l'attendra jamais. Donc Gina X, elle se met un petit peu dans la peau du personnage, un rouquin, tout ce qu'il y a de plus britannique, j'oserais dire. Mais à part qu'en étant ce rouquin britannique, elle avoue être lesbienne. Donc voilà, il y a un jeu de miroir comme ça, permanent. Sympa, ses clins d'œil et ses petits questionnements sur la question de genre, parce que ça en regorge, et puis souvent avec un vrai humour, un vrai détachement, quoi. Pas mal de morceaux d'ailleurs qui suivent, vous allez voir, si on est dans une proto-club culture, la club culture existe déjà, mais une proto-club culture de synthèse, hein, si vous voulez, on est dans un tempo assez lent. D'où cet aspect quasiment froid et cérébral. Le dance floor, c'est au-delà de 120 BPM en général, voire plus maintenant. Là, on est cool, on est froid, mais on est extrêmement groovy quand même. Et c'est une des charges les plus intéressantes de l'album. Il y a quelques morceaux un petit peu accélérés, mais c'est peut-être ces morceaux entre deux eaux qui sont les plus intéressants. L'utilisation notamment d'un synthé bas, c'est celui qui donne vraiment le groove de No JDM, est absolument remarquable. C'est une leçon dont tous les techno kids et rejetons de l'électro clash sont encore admiratifs aujourd'hui, et à raison. prendre le temps de signaler d'autres morceaux aussi. Exhibitionnisme. Et donc, exhibitionnisme, je le dis à la française. Ça reprend quasiment le même tempo et le même gimmick de synthé que nos GDM, finalement. Et voilà, et on arrive à des... Il y a même des bruits, c'est incroyable. Il y a un synthé qui fuse et imite des bruits de missiles V2, quand même. Donc, on est dans quelque chose qui est complètement étonnant, qui, je pense, rate sa cible... Mais va dégommer ailleurs, va dégommer plus loin. Cette influence sur la club culture naissante et puis tous les mouvements qui vont être issus de la club culture, elle est importante à signaler. La véritable postérité, par exemple, de Nos GDM, alors je cite ce titre-là, mais ça concerne Ice Mover, et on peut même dire finalement l'album à son entier, elle va commencer pas en 78 quand le disque sort, 78-79, mais elle va se révéler plutôt auprès du public New Romantic, qui à Londres va faire très très vite de ça un anthem. Et ce qui n'est pas tout à fait étonnant, parce que les New Romantiques aussi vont adorer finalement jouer des genres et de l'apparence, et ce genre de danse froide et stylée colle totalement au style. Et vous verrez que les anthems un petit peu particuliers de la période New Romantique qui sont sortis de là, je pense à We Fed to Grey, hein, le fameux titre de Strange, We Fed to Grey, on est pile poil, pas dans une imitation de ce qu'on va écouter aujourd'hui, mais quand même dans une influence pas mal marquée, quoi. Allez, rentrons de plein pied dans ce disque-là, rentrons dans la danse froide et calculée, on sort les oripeaux de sortie. Ce disque est absolument formidable, pas seulement pour les deux premiers titres qui effectivement font culte, mais aussi pour pas mal de petits clins d'œil et notamment les derniers titres que je trouve aussi remarquables. On se reparle de ça et de ces deuxièmes genèses qui vont arriver après, parce que comme je vous dis, ce groupe qui meurt vite mais va finalement constamment renaître. Et ça c'est plutôt intéressant et pas dénué d'intérêt, surtout quand on parle de choses qui sont issues comme ça de club culture et club culture au pluriel. Voilà, The Nice Mover. Fait en 1978, Genex Performance, c'est toujours et c'est encore Cargo Cult.

let it be. I produce and I am you. It's my own brand of the blues. All I see depends on me. It's like sitting in a tree. I'm a rabbit, I'm the show. Getting higher blow by blow. I'll get hooked on the drug called exhibitionism. You can whistle, you can love. You can do it, have and have. I will spend my life on stage. I won't care about my age. I produce and I am youth. It's my own brand of a blues. It's me! hoping rattlesnake. The grass is synthetic, the jungle is plastic. Oranges imported from Paris, Israel. Et même une fin parfaite pour cet album, le premier donc de Jenna X Performance, Nice Mover, en 1978. Le dernier morceau est impeccable aussi. Totalement ironique, je ne suis même pas sûr de le comprendre, parce qu'on est dans le triple entendre constamment. Tropical Comic Strip. Voilà. Donc une fois qu'on a entendu ça et qu'on s'est dit qu'en 1978, bah, un disque comme ça était sorti, c'est presque un regard apitoyé sur toute la Neue Deutsche Welle, sur toute la New Wave anglaise qui va lui embrayer le pas, évidemment, avec bonheur. Alors on va pas dire que Depeche Mode et John Fox et tous ces gens-là auraient mieux fait de rester au lit, parce que non, heureusement, ils se sont réveillés, peut-être grâce à cette musique-là. Mais voilà, il faut absolument glorifier les pères et une inspiration aussi majeure et subtile que celle-là. très heureux d'avoir parlé de ce disque-là, et très heureux de savoir que, bon, bah, en fait, il est... Il renaît. Il y a eu plusieurs rééditions. Je pense que la première majeure, elle est arrivée à l'aube des années 2000. On était aux alentours de 2003-2004. Voilà, on était en plein ascendance électroclash, rappelez-vous. Et évidemment, tous les trublions et trublions de l'électroclash, Miskitine en tête avec The Hacker, qui toute leur vie ont rêvé de faire un morceau aussi bien que celui-là, No GDM. Et ma foi, et qu'ils sont pas loin d'y être parvenus, ils ont fait des trucs super, donc bravo aussi d'être inspiré. Tous ces gens-là, finalement, je suis pas sûr qu'ils aient pu approcher autant de distinction et de classe que ce disque-là, quoi. J'ai parfois envie de le comparer à quelque chose qui a pourtant rien à voir, mais je trouve qu'il y a une efficacité dans Genetics Performance et cet album-là, qui est comparable à celle qu'exerçait Chic dans les chants disco à New York aux mêmes années, c'est-à-dire une rythmique absolument impeccable, pas une note de trop, le son pour le son, complètement plein, super habité, ce qui parle au corps immédiatement, The Club Culture, dans ce cas-là, de complètement fondamental et irréprochable, indiscutable. Ça peut énerver, à la limite, parce que justement, c'est prof, c'est indiscutable. Et donc, j'évoque ces rééditions glorieuses qui vont venir petit à petit. Il y en a une, de facto, dès maintenant. Et là, je suis très content, ça se passe maintenant, c'est à nos portes, c'est en février de cette année, en 2022, que les 10 du Crépuscule, 10 du Crépuscule, fameux label belge, basé à Bruxelles, qui a fait des trucs super dans les années 80, et qui est réactivé maintenant en Angleterre, c'est donc entiché de faire une réédition absolument formidable et luxueuse de cet album-là, et plutôt augmentée, notamment par des titres qui vont suivre, par des covers, par des remixes, et par le troisième album, qui lui est assez intéressant, aussi, de Genetics Performance. Justement, regardons un coup d'œil qui va être assez rapide, ça, la discothèque du groupe, la discographie en tout cas. Alors, discothèque doit être pas mal, à mon avis, ils ont des belles choses et des belles influences. La discographie, bah, c'est essentiellement The Nice Move, hein, c'est l'album qu'on vient d'entendre, et va lui embrayer le pas en 1980, Extraordinaire. Et bah, malgré son titre, il ne l'est pas. Et c'est assez amusant, c'est comme si le disque voulait rentrer dans le rang et coller à l'époque qu'il avait finalement plutôt initié, mais en ratant, rentre à son chemin. Voyeur, qui lui est le troisième album, est largement plus intéressant. Il sort en 1981 et il est quasi Cold Wave. Il est absolument intéressant, il est dans quelque chose que je trouve vachement bien. Et puis il y en a un quatrième qui lui rate sa sortie, soyons francs, Yinglish, et je crois que ça sort bien plus tard, en 1984, enfin 3 ans donc après celui qui précédait. D'ailleurs c'est plus Genetics Performance, c'est Genetics tout court. Et mine de rien, ce performance dit pas mal de trucs. Le mot performance n'est pas strictement à la mode à la fin des années 70. Il est à la hype, et l'art performance est quelque chose qui est en train de créer une histoire de l'art assez conséquente. Mais c'est un domaine de prédilection, c'est un domaine cultivé, c'est pas un domaine pop, quoi. Et ajouter performance à son patronyme montre bien qu'on est dans un projet et dans une définition artistique. On n'est pas dans un pop groupe, on n'est surtout pas dans un pop groupe. Just Beyond, il s'est rarement exprimé, mais le peu de choses qu'il a dit rejoint finalement assez ça. Et quand il parle de ça, la stricte manière de faire de la musique, il voulait dire surtout pas d'accords de blues, surtout pas de mélodies empruntées au rock, pas de guitare, nothing rocky, rien de rocky, no rock, no rock, no rock. Voilà, et on pourra le répéter et le répéter. Il se positionnait comme anti-rock, jamais, plus jamais, en 78, c'est probablement pas évident. D'autant plus que Zeus Biel, il y a baigné, si vous voulez. Il a même été un chantre de ce rock progressif, et voilà, il n'est pas formellement contre, lui. Mais le projet de Genetics se devait de tourner le dos à ça, et ouvrir, pour le peu, la poitrine sur autre chose. Et notamment bah, toute cette culture transgenre qui est là, mais qui demandait qu'à péter sur des titres de danse, et des titres de danse haut de gamme. Ça y est, c'est fait. Et une fois que c'est fait, on revient pas en arrière. Et bien sûr, l'influence va être majeure. Bien sûr, il va y avoir des reprises incroyables. Je pense à celle de Erasure, justement. Erasure avait fait une face B en reprenant No GDM. Bah oui, mais non. même si, plutôt oui quand même, mais non. Et je ne peux pas les citer tous, les reprises. Et c'est encore pire pour les remixes. Ça a été tous les gens qui ont voulu citer ce disque se sont cassés la gueule. Même DJL. DJL, hein, le père, un peu par hasard d'ailleurs, de l'électroclash, hein, il ne l'a pas spécialement cherché, mais par contre, il était à la tête, et est toujours à la tête du label international Gigolo. Et voilà, il y a des très belles choses. Et puis DJL, un parfait DJ qui a un prisme de toute la musique en Allemagne, formidable. Mais même en s'attaquant à ça, ça ne marche pas. On ne peut pas toucher à ce truc-là. Voilà. Alors, raison de plus, peut-être pour essayer, vous me direz. Mais du coup, il ne faut pas singer l'original. Il ne faut pas être là-dedans. Et même, justement, quand Genetics Performance va évoluer, je pense au troisième album de Warrior, ils vont pas essayer d'être dans la même impulsion dancefloor. Ça va moins toucher le corps. Ça va être un disque finalement un peu plus cérébral. Et pour vous le prouver, on va partir avec deux titres qui sont les deux titres de fin du disque. Et qui justement s'éloignent. Qui justement sont mid-tempo, sont pas forcément joyeux, mais signent quand même vraiment quelque chose. Deux disques sur quatre réussis, dont un qui est au-delà de la réussite, qui est juste The Coup de Génie. Certes pour deux titres, mais bon, des fois quand deux titres sont bons... Hein, regardez les Rolling Stones, s'ils n'avaient fait que Satisfaction, tout irait bien. Hein. Ah, ils en ont fait d'autres, ouais. Bon, ça n'a rien à voir, c'était ma méchanceté du jour. Donc on s'en va avec ça. 1981, le final de The Warrior, deux titres, Horn Interns et Kiruna. C'était Genetics Performance. Et pour une fois, parce que même si Kergokult ne cherche pas à être pile poil dans l'actualité des sorties et des releases, je suis plutôt content de saluer cette ressortie par les disques du Crépuscule, tout à fait actuel, donc de Genetics Performance et de ses deux albums. Merci d'avoir été à l'écoute de Kergokult, bien à vous et à la semaine prochaine. Your trousers, left or right? Delle donne, but in reality there is schnark. Darkened days, night porters, nightstick flights. Controlled by thousands of invisible videos. Calcutta, Canberra, Ottawa, Vienna. Not for me, but Kiruna. Austria, Canada, Cambodia, Zaire. Not